107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Madame Romary qui est la secrétaire générale du comité des Vosges de la Ligue contre le cancer. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nos auditeurs ? Oui, donc je suis Madame Romary, secrétaire générale de la Ligue contre le cancer Comité des Vosges, donc secrétaire générale déjà depuis 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association de la Ligue contre le cancer ? Oui, donc la Ligue contre le cancer est une association loi 1901. Donc nous sommes 103 comités départementaux, donc dans toute la France. Et nous avons, chaque comité a les mêmes missions, hein, donc des missions de lutte contre le cancer en finançant la recherche, en aidant les malades financièrement, humainement, psychologiquement, également en menant des actions en amont des cancers, donc ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire qu'on sensibilise sur les facteurs de risque connus des cancers, hein, comme le plus connu, bien sûr, c'est le fait de fumer, hein, entraîne majoritairement voilà, un problème de cancer au niveau du poumon. Donc, on est là pour informer en amont. Et puis, on est là aussi pour promouvoir les campagnes de dépistage. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et notre dernière mission aussi, c'est un petit peu de lutter contre les lobbying, hein, pour que, justement, l'accès aux soins soit le plus possible pour tous les malades, hein, lutter contre, par exemple, le prix des médicaments en cancérologie. Et c'est quoi le comité départemental des Vosges ? Alors, le comité départemental des Vosges est situé donc à Épinal, le siège est à Épinal. Nous sommes composés d'une soixantaine de bénévoles qui œuvront majoritairement dans tout le département. Nous avons bien sûr des bénévoles à Épinal, nous avons des bénévoles à Gérardmer, à Cornimont, à Saint-Dié-des-Vosges, à Neufchâteau et également sur le secteur de Vittel-Contrexéville, Lunéville. Voilà, donc ces bénévoles-là mènent des actions de terrain, des actions de sensibilisation sur les facteurs de risque et puis ils mènent également des actions de collecte, comme par exemple vente de fleurs pendant la semaine nationale de lutte contre le cancer chaque année au mois de mars. Et on s'associe aussi à d'autres associations pour récolter à différents moments de l'année de l'argent au profit du comité des Vosges, notamment l'opération Une Rose, Un Espoir au mois d'avril chaque année. Donc on s'associe avec deux associations de motards pour vendre des roses au profit de la lutte contre le cancer. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles actuellement ? Alors, bien sûr, on a toujours besoin de bénévoles, hein, surtout que nous sommes de plus en plus sollicités à le comité des Vosges. Et le comité fonctionne grâce aux bénévoles. Nous n'aurions pas de bénévoles, nous ne pourrions pas, par exemple, être présents sur le terrain comme nous le sommes actuellement pour Octobre Rose. Donc, ce qui est important, souvent, c'est que c'est le bénévole qui vient vers nous. Hein. Le bénévole est une personne avant tout qui se sent concernée par la problématique du cancer et qui a envie d'apporter une aide. Donc, c'est en entretien avec le bénévole qu'on définit ce qu'il va faire avec notre association et avec les autres bénévoles. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à nos auditeurs qui pourraient vous rejoindre ? Oui, bien sûr. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous téléphoner au 03 29 33 29 16. Donc la secrétaire du comité vous donnera l'adresse mail du comité et donc vous expliquez pourquoi vous avez envie de nous rejoindre. Et c'est moi-même en tant que secrétaire générale qui reçoit les bénévoles, en tout cas les bénévoles sur Épinal. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de pouvoir motiver sa demande, dire pourquoi on veut rejoindre notre association. Est-ce qu'on peut faire un don à l'association ? Oui, bien sûr. Donc, on peut faire un don en envoyant un chèque au nom de la Ligue contre le cancer. Donc, le comité des Vosges, maintenant, est situé 1 avenue Robert Schumann, résidence Beau-Site, donc 88 000 Épinal. On peut faire un don aussi en allant sur le site de la Ligue contre le cancer, en tapant comité des Vosges. Et on peut faire un don en ligne. De plus en plus, d'ailleurs, les personnes font un don en ligne. Donc, on peut faire un don ponctuel. Une fois dans l'année, mais on peut aussi faire un don mensuel, par exemple, en mettant un prélèvement chaque mois, ou tous les deux mois, ou tous les six mois. Aujourd'hui, c'est possible de programmer son don à la Ligue contre le cancer. Alors, vous disiez que vous étiez secrétaire générale, mais vous faites quoi dans l'association ? Alors donc moi je suis donc c'est moi qui prépare toutes les instances, hein, donc les réunions de bureau, les conseils d'administration. Donc c'est moi qui prépare l'ordre du jour, qui prépare le canevas de la réunion, et j'assiste donc bien sûr en tant que secrétaire générale avec les autres administrateurs au conseil d'administration. Hein, donc il y en a 4 dans l'année. On fait à peu près une réunion de bureau tous les 2 mois. Donc ça c'est le travail propre de la secrétaire générale. Donc je gère aussi toutes les demandes que l'on a de partenariat, de sollicitations, d'action, de réalisation d'action. Donc c'est moi qui gère toutes ces demandes par mail. Hein, donc je travaille beaucoup par mail, voilà, le soir chez moi ou le week-end, hein, parce que parallèle de mon activité de bénévole à la Ligue contre le cancer, j'ai une activité salariée en journée. Et en tant que bénévole à Épinal, donc je m'occupe aussi de toutes les manifestations qui se déroulent sur Épinal. Donc j'encadre, hein, je manage, on va dire, le groupe de bénévoles sur Épinal, puisque je suis attachée à la délégation de bénévoles d'Épinal. Donc là, c'est un gros travail, puisque nous sommes de plus en plus sollicités, notamment actuellement, hein, pour Octobre Rose, mais il n'y a pas qu'Octobre Rose au cours de l'année, hein, mais Octobre Rose est un mois très, très important de mobilisation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association, vous ? Alors, ben, c'est ma porte d'entrée à la Ligue contre le cancer, c'est mon travail, hein. Je suis psychologue, et j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer en tant que directrice d'une structure en Seine-et-Marne, et c'est en quittant ce département et en rejoignant mon département d'origine que j'ai décidé, voilà, de m'engager en tant que bénévole. Hein. Moi, donc ma porte d'entrée, elle est avant tout professionnelle. Nous allons maintenant parler d'Octobre Rose. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Octobre Rose, bah, c'est le mois de mobilisation dédié à la sensibilisation et à l'intérêt, hein, du dépistage du cancer du sein. Donc en fait, c'est un mois dédié, mais il faut savoir que c'est toute l'année, hein, quand on est une femme, quand on est âgé de 50 à 74 ans, c'est toute l'année qu'on peut se faire dépister, c'est-à-dire que dans le département des Vosges, nous avons un peu plus de 65 000 femmes qui sont concernées par cette tranche d'âge-là, et ces femmes-là sont invitées tous les 2 ans par le centre de dépistage des cancers. La moitié de ces femmes sont invitées tous les 2 ans par le centre de dépistage à aller faire une mammographie, donc auprès du radiologue de leur choix, hein, soit en libéral, soit en structure hospitalière. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a une baisse très très importante, inquiétante, hein, du taux de participation au dépistage, puisque nous sommes à peine 48% de taux de participation, alors qu'avant la crise sanitaire, hein, dans certaines zones du département, et particulièrement là où il y a des centres hospitaliers, on approchait les 60-65% de taux de participation, et on sait que pour réduire de manière significative le taux de mortalité par cancer du sein, il faut atteindre le pourcentage de 70% de taux de participation au dépistage. Donc on a un gros retard à combler en matière d'information et de sensibilisation, car on se rend compte que cette baisse, elle est due au fait que les personnes ont encore peur qu'on leur annonce un cancer, ont encore peur de faire cette mammographie, parce que les personnes pensent que dès lors qu'on fait la mammographie, on va découvrir un cancer, alors qu'il n'en est rien. Hein. La mammographie permet, hein, de s'assurer qu'on va bien et qu'elles peuvent être tranquillisées pendant 2 ans pour revenir 2 ans après. Est-ce que le cancer du sein, ça peut toucher tout le monde, même les hommes ? Alors, le cancer du sein concerne 4 à 98% les femmes. Donc, on a un pourcentage de 2%, hein, de cas de cancer chez les hommes, hein, mais majoritairement, voilà, ça concerne majoritairement les femmes. Hein. Aujourd'hui, on a 53 000 nouveaux cas chaque année, donc de cancer féminin, cancer du sein chez la femme. Donc, c'est majoritairement un problème féminin. Vous parliez d'un facteur de risque pour le cancer du sein, c'est l'alcool, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a le fait si on a eu des enfants, à quel âge on a eu des enfants, si on a allaité. Il y a effectivement la sédentarité. Hein, genre, on veut dire que la sédentarité concerne un petit peu tous les cas de cancer. Hein, mais ce qui est important au-delà de connaître ces facteurs de risque pour lesquels, hormis peut-être l'activité physique, pour lesquels on n'a pas de prise. Je veux dire, une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant ou qui ne peut pas avoir d'enfant, ou une femme qui ne peut pas allaiter, tout ça, ce sont des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Ce qui est important, ce que la femme maîtrise aujourd'hui, c'est justement la possibilité de faire sa mammographie tous les 2 ans. C'est important que ce message passe là aujourd'hui, durant Octobre Rose, parce que c'est un mois fort en matière de communication. On rappelle l'importance de faire cette mammographie, qui est un geste qui, voilà, on nous compresse un petit peu les seins, ça fait peut-être un tout petit peu mal, mais c'est l'espace de quelques secondes. Ça permet de sauver des vies, hein, et ça prend pas longtemps dans une année, hein, de prendre rendez-vous et de se rendre à son cabinet de radiologie. Est-ce que ça peut toucher aussi les jeunes filles ? Alors, 80% des cancers du sein sont détectés donc dans cette tranche d'âge-là, de 50 à 74 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des cas de cancer qui peuvent être découverts avant 50 ans, bien sûr. Hein, et c'est important que les femmes, dès le plus jeune âge, finalement, s'autopalpent les seins. C'est-à-dire quand on est effectivement sous la douche et qu'on se lave, on se savonne. Et c'est à nous, hein, en tant que femmes, de faire cette autopalpation. Et si on découvre quelque chose et qu'on n'a pas 50 ans, tout de suite, il faut en parler à son médecin traitant, à son gynécologue, pour avoir une prescription pour faire une mammographie. Donc oui, le cancer du sein concerne aussi les femmes avant 50 ans et après 74 ans. Est-ce que vous travaillez avec l'Institut de cancérologie de Lorraine ? Oui. On soutient financièrement. Vous savez, dans les Vosges, on n'a pas d'équipe de recherche puisque le centre de lutte contre le cancer se trouve à Nancy. On finance la recherche, oui. On aide les équipes médicales de l'Institut de cancérologie. Et quand on a besoin de faire une conférence, d'organiser quelque chose avec des spécialistes, on sollicite les spécialistes dans les Vosges, mais surtout à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy. Quels événements ont été organisés ce mois-ci pour Octobre Rose ? Oh là là, alors ce mois-ci, nous sommes au troisième week-end, enfin ce week-end va être le quatrième week-end de mobilisation. Donc on a commencé à se mobiliser avec des marches roses le 24 septembre, en commençant par marche rose à Adigny au Val d'Ajol. Le week-end dernier, nous avions 8 marches roses. Et le week-end qui arrive, on a de nouveau 7 marches roses qui sont programmées dans tout le département. Je ne peux pas toutes vous les citer, bien sûr, mais je peux vous dire que le week-end du 14 et 15 octobre, nous allons avoir 2 marches à Remiremont, une le matin avec le lycée Jeanne d'Arc, une l'après-midi avec le tennis club de Remiremont. Nous allons avoir également le 14 à Padoue, une marche rose. Le lendemain, on va avoir 5 marches roses à Chavelot, à Contrexéville, à Saint-Dié-des-Vosges, à Gérardmer et également à Busson. Donc vraiment beaucoup de marches roses, 22 dans le département sur tout le mois. Et en parallèle, on a des micro-événements qui se déroulent, comme par exemple ce week-end, on va avoir une journée de sensibilisation avec le club de golf d'Épinal. Donc ça, c'est une nouveauté, on est très contents. Et on a eu, le week-end dernier, on a eu des Zumba. On a plusieurs types d'événements au profit d'Octobre Rose. Est-ce que vous avez des partenaires ou des sponsors pour les événements qui arrivent ? Oui, sur chaque événement, finalement, on a besoin de bénévoles, puisque sur quasiment toutes les marches que je vous ai citées, seules 2 sont organisées par les bénévoles de la Ligue contre le cancer, donc à Gérardmer, et puis à la marche qui a eu lieu la semaine dernière à Soulsure, c'est porté par les bénévoles de Cornimont. Mais en dehors de ça, toutes les autres marches sont initiées par des municipalités, par des clubs de sport, par des associations. Donc ce sont des bénévoles en plus qui s'associent à la Ligue contre le cancer. Et automatiquement, on va chercher des partenaires pour le ravitaillement. On va chercher aussi des partenaires financiers pour payer le flyer. Bien sûr qu'il y a des partenaires sur tous nos événements. Et là où on a le plus de partenaires, c'est bien sûr pour les foulées rospinaliennes, puisqu'on a 95 partenaires qui nous font un don financier ou qui nous font un don en nature. Je voudrais citer par exemple, on a deux partenaires de Vittel qui nous donnent de l'eau pour le ravitaillement des femmes à l'arrivée. Et puis on a 10 boulangeries qui nous font des dons en nature pour le ravitaillement des femmes. Donc là aussi à l'arrivée. Donc c'est énorme, énorme. Si nous n'avions pas de partenaires pour les foulées rospinaliennes, la manifestation ne pourrait pas se tenir puisque ce sont les partenaires qui payent la manifestation, toute la communication, le volet administratif, qui payent l'achat des cadeaux qui sont remis aux femmes avec l'inscription. Donc les partenaires sont vraiment le socle de toutes les manifestations qui se déroulent dans le département des Vosges. Hormis les motards, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations ? Oui, alors on travaille avec les associations de lutte contre le cancer de l'enfant, avec Lilou, la princesse, on travaille avec le Courageux Combat d'Antoine, on travaille avec l'association Mathieu Carrère, pour les plus connus dans les Vosges. Donc on les associe depuis quelques années, tous les ans, aux foulées rospinaliennes, puisque les foulées rospinaliennes se déroulent toujours début octobre, donc on fait le lien avec Septembre en or, qui est le mois de mobilisation contre le cancer de l'enfant. Et on soutient en parallèle aussi financièrement d'autres associations, hein, comme l'association Jade à Épinal, qui propose de la relaxation pour les de la sophrologie de la relaxation pour les personnes malades. On aide l'association de soins palliatifs, hein, qui accompagne les personnes en fin de vie. On aide aussi les stomisés, on aide également les personnes qui accompagnent les personnes à l'hôpital. Donc là, on les accompagne financièrement par un don. Quels sont vos futurs projets avec l'association ? Alors, on va déjà continuer Octobre Rose, hein, bien sûr, qui va se terminer en la fin du mois. Et puis, finalement, nos projets sont de maintenir nos actions et surtout de développer de plus en plus de soins de support pour les malades, parce que ça, c'est important de le dire à l'antenne, hein, c'est que l'argent qui est récolté dans le département des Vosges pour Octobre Rose reste dans le département. Hein. Donc, on propose des soins de support, c'est-à-dire que c'est de la socio-esthétique, du soutien psychologique, de l'activité physique adaptée, qui est développée majoritairement dans tout le département. Donc, on travaille avec des prestataires de services, hein, qui travaillent pour nous et qui proposent des soins adaptés aux personnes malades, et ces soins-là sont gratuits pour les malades. Hein. Donc ça, c'est très important. Et notre objectif, dans les années à venir, c'est d'essayer de développer des soins de support là où il n'y en a pas encore dans le département, et de maintenir ces soins à échelle constante. Ça, c'est primordial que l'argent qui est récolté dans les Vosges reste dans les Vosges. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Donc sur Internet, hein, il suffit de taper www.ligue-cancer.net et là vous arrivez sur le réseau, le site de la Ligue, et automatiquement il y a un lien avec. On est sur Facebook, on est sur le réseau Instagram. Hein, donc il suffit de taper Ligue contre le cancer, Comité des Vosges, et on arrive sur l'association et toutes ses actions. Que peut-on vous souhaiter pour la suite, à vous et au comité départemental des Vosges ? Écoutez, qu'on continue comme ça, hein, qu'on soit toujours présent sur le terrain, qu'on renforce effectivement notre réseau de bénévoles, hein, pour pouvoir répondre à toutes les demandes, et puis bien asseoir, comme je vous l'ai dit, ce qu'on propose aux malades. Cette interview maintenant terminée. Madame Romary, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreuses personnes viendront participer aux événements que vous organisez jusqu'à la fin du mois d'octobre. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde. Merci, au revoir.